Ensuite, est-ce que tu as pris des cours ou pas du tout? Est-ce que tu t'es mis à prendre des cours dans ton cursus à un moment donné? Parce que tu t'es dit, voilà, je suis autodidacte, mais est-ce que réellement t'es rentré dans un... Alors non, je n'ai pris des cours pour rien du tout. Ni le chant, Ni le chant, ni la guitare, ni la aucun instrument. batterie, voilà, aucun instrument, rien du tout, ni technique, ni quoi que ce soit. Donc voilà, la guitare, à force de regarder des vidéos, de regarder les gens faire, bah, je reproduisais ce que je voyais, et puis voilà, j'ai appris comme ça au fur et à mesure. D'accord. Alors on va un peu creuser sur la façon dont tu écris, tu composes, etc. Parce que c'est toi qui fais tout ça. Mais d'abord on va s'écouter un petit morceau de pas encore du tien. On va se faire une petite pause. On va écouter Julien Doré. Alors je ne sais pas si tu as suivi là, son actualité, puisqu'il vient de sortir un album qui s'appelle La Fièvre. Donc on va se l'écouter tout de suite et on revient tout de suite dans les coulisses de Bérénice avec Alex. À tout de suite. J'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il est pas bon qu'à des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use. C'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé. Quelques vertèbres. Qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé. Tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler. Ils iront sur la banquise passer quelques mois d'été. Photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Où était l'ostéo caché dans son dos, attendant la fièvre. Mais le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Où était l'ostéo Avec Alex LB. Tu m'entends, Alex ? Un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup ? Bah, je monte le son. Là, est-ce que tu m'entends mieux ? Oui, c'est bien. Ouais, c'est bon, merci. Hein. C'est bien, tu me fais mon ingé. Exactement. Donc, on est avec Alex LB. Vous êtes dans les coulisses de Bérénice jusqu'à environ 20h. Vous êtes sur Radio Web Passion également, qui est à 10 minutes d'Orléans. Et donc, on reçoit Alex, puisqu'il a une forte actualité. D'ailleurs, tu sors un clip le 4 septembre. Tu as sorti, pardon, un clip le 4 septembre avec un single qui s'appelle La Vie. Oui. Donc, on ne l'a pas rappelé tout à l'heure. Et toi, ton actualité, tu t'es fait connaître parce que pendant le confinement, tu as écrit une chanson sur le Covid. Tu habites Saint-Hilaire-Saint-Mémin et tu es originaire des Ardennes, tu nous as dit tout à l'heure. Tu nous as également dit que tu écrivais toi-même, tu composes toi-même. Oui. Et c'est ce qui m'intéresse là tout de suite, on va en parler. Je voulais savoir de ton côté comment tu écrivais, quelles étaient tes inspirations et tes influences. Oui, alors comment j'écris? Mis à part avec un stylo ou un clavier d'ordinateur, la blague, pour la ceux blague qui à écrivent. Faire, ouais. Exactement. Non, en fait, je m'inspire. Alors, ça va être une phrase bateau, une phrase facile, hein, puisque j'imagine que, et j'en suis sûr même, je ne suis pas le seul, mais voilà, j'ai une adolescence compliquée, très très très compliquée, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, et j'ai eu une année surtout qui a été extrêmement difficile au lycée. Et voilà, donc en fait, je me suis inspiré d'un petit peu tout ce qu'il y avait eu sur ma vie depuis tout petit. Mes expériences, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, scolaires, de vie tout simplement, d'amitié, en tant que papa aussi, parce qu'il y a des chansons qui seront sur mon fils, voilà, un petit peu tout. Mais je me suis aussi je suis quelqu'un de très bavard, j'adore discuter, j'adore le relationnel, j'adore... Voilà, rencontrer du monde, avoir des expériences, des échanges, etc. Et du coup, de ce que j'ai pu voir ou surtout entendre de mon entourage ou de personnes passagères, j'ai pris aussi un peu de leur expérience pour pouvoir véhiculer quelque part leur message à eux, pour qu'ils puissent se retrouver aussi sur ça. Très bien. Et la composition, c'est toi aussi ? Oui, donc je fais les paroles et la musique dans sa totalité, en fait. Dans quel état d'esprit tu te mets ? Est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier quand tu te mets à composer ? Ou est-ce que ça a déjà été, comme tu dis, tu t'inspires, bon, bien sûr, du passé, tu prends des notes, quand tu vis des choses, tu dis « Ah, il y a un truc qui me donne envie de la décrire ou de composer, je m'arrête, je l'écris tout de suite. » Comment ça fonctionne pour toi ? Ça fonctionne très bizarrement. Il faut qu'il soit triste, hein, ou il faut non, qu'il soit non. Très gai, ou que c'est à quel moment c'est bon pour toi ? J'ai écrit 12 des 19 chansons en deux soirs. Voilà, un flash. J'ai pas dormi pendant deux nuits et j'ai fait que ça, écrire. À la fin de chaque chanson, je prenais la guitare et des accords tout de suite dans la demi-seconde, les accords avec le couplet, le refrain. Et hop, 12 chansons en deux nuits. Et après, il ne peut plus rien y avoir pendant 2 ans. Puis, 12 chansons pendant deux nuits. Enfin, voilà un peu l'idée. Je pense que mon corps a envie de parler et de dire quelque chose. Et quand j'ai envie de m'exprimer, tant que j'ai des choses à dire, je continue. Et puis, je les note. Voilà. Tu m'as expliqué quand tu as sorti le titre sur le Covid pendant le confinement. Oui. Tu m'as dit, voilà, j'ai la mairie de mon village qui me soutient beaucoup. Et j'ai décidé que ce titre servirait pas seulement de titre engagé du moment et d'actualité, mais j'ai envie de faire quelque chose pour ma commune. Est-ce que tu peux nous le dire exactement ce que tu avais décidé de faire ? Tu vois pas. Alors, peut-être pas ça, mais tu m'avais dit que tu voulais en effet soutenir toi-même, je crois, l'école de la mairie, c'est ça ? L'école de ta commune ? Tu m'avais pas expliqué ? Alors ça, ce sera sur le road trip qui viendra par la suite. Alors, d'accord. Donc, c'est pas ça qui a été déclenché, en fait ? Non. Par contre, oui, la mairie, et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier, la mairie de Saint-Hilaire-Saint-Mémin, puisque, en fait, moi, j'avais donc fait cette chanson-là, et des amis m'ont dit, mais pourquoi pas faire un petit peu comme ça se fait partout en France, et puis passer le message à l'extérieur, et en passant le message à l'extérieur, eh ben, il fallait que je mette mes enceintes à mes fenêtres, que je crée un concert virtuel depuis mes fenêtres, les quelques personnes aux entourages ont entendu le concert, et puis le reste était en live sur Facebook. Et donc, c'est là où la mairie est intervenue, puisqu'elle m'a autorisé à poser mes enceintes à l'extérieur pour jouer cette chanson. Et c'est ce qui a tout déclenché après, puisque la chanson a pris, bon, alors, la première fois, pas beaucoup, elle a pris 5-6 000 vues en deux jours. Mon entourage, les amis, tout m'ont dit, mais continue, il faudrait la réenregistrer et créer ben, voilà, une page Facebook, Instagram, Twitter, un petit peu tout ça. Donc, j'ai réenregistré cette chanson à la maison. Et puis, donc ça faisait un peu plus propre niveau du son, mais qui n'était pas enregistré non plus en version studio, hein, bien sûr, j'avais pas le matériel ni rien. Donc, c'est-à-dire que l'acoustique était mieux, mais le son n'était pas comme on pourrait faire un enregistrement. Donc, c'était un son live filmé d'un téléphone, en fait. Mm-hmm. Et puis, là, elle a pris un petit peu plus qu'en une semaine, elle a pris 20-30 000 vues. D'accord. Et donc, voilà, donc j'ai créé la page. Et donc, juste après cette chanson, après ces 20-30 000 vues, c'est passé mes fameuses deux nuits où j'ai écrit d'autres chansons et puis voilà, ça a tout déclenché en fait. D'accord, oui, donc ça a activé quelque chose, comme tu dis, ça a déclenché. Voilà. Et aujourd'hui, tu, comme objectif de vie, parce que là aujourd'hui tu es salarié, tu travailles à côté, tu n'es pas intermittent du spectacle, c'est une nouvelle aventure. Exactement. Donc c'est un peu un rêve en fait, un rêve de pas de gamin je veux dire, mais une concrétisation après de nombreuses années en veille en fait finalement, parce que c'était latent, il y avait quelque chose qui... Oui, alors je suis quelqu'un qui, je me donne toujours à fond dans tout ce que je fais, j'ai cette fâcheuse manie de vouloir réussir tout ce que je fais et alors j'ai pas la prétention d'être meilleur que tout le monde et de réussir, mais c'est ça qui me donne en fait cette force et cette énergie de donner corps et âme à un projet, d'aller jusqu'au bout, peu importe le projet, hein. Ça peut être un petit projet à organiser un anniversaire, là. Voilà, je vais m'y donner vraiment jusqu'au bout de moi avec le maximum et tout ce qui peut être calé. Et donc pendant un peu plus d'une quinzaine d'années où je suis dans mon travail actuel, où je m'occupe là maintenant de la jeunesse, et donc pendant 15 ans j'ai énormément donné, j'ai entre guillemets je pense fait le tour professionnellement du métier que j'exerce, et du coup c'est le moment idéal pour me dire voilà, maintenant pour pas continuer en fait et devenir frustré et déçu en fait de ce que je fais maintenant et partir sur une note positive, et ben je pense que c'est le moment de me réorienter professionnellement et puis d'essayer de lancer tout ça et puis de vivre de la musique au maximum. En fait, quand tu démarres un projet musical, donc c'est tes premières compositions réellement? Oui, officiellement. Même si tu les avais écrits quand tu étais plus jeune, là, réellement, officiellement, tu sors réellement tes premiers titres. Tout ça, tu le finances comment, en fait ? Parce que pour faire un clip, il faut du temps, il faut de l'argent, il faut du matériel. Comment tu t'organises ? Alors, il faut de l'envie. Et c'est le message que je passe en même temps à tous ceux qui nous écoutent et aux jeunes aussi qui rentrent dans la vie active, etc. Quand on a l'envie, on y arrive. Donc, ça peut être dans tout, hein, voilà, pour le permis, pour des expériences quelconques, pour un travail, pour quoi que ce soit du travail, il y en a. Si on a envie d'en trouver, on en trouvera, en attendant de trouver mieux. Enfin, voilà, quand on a envie, on arrive à faire les choses. Et du coup, c'est ça, l'envie à laquelle vous rajoutez un peu de bagou, un petit peu de discussion à droite, à gauche, et une belle communication. Et ça permet de réaliser des choses sympas. Donc là, le premier clip, c'est moi qui l'ai fait tout seul, avec mon smartphone. C'est une grande première d'annoncer ça à tout le monde. Le clip qui est actuellement sur YouTube a été réalisé de A à Z par ma personne, Donc il est sorti le 4 septembre qui s'appelle La Vie. C'est ça. Alors j'ai pris des tutos pour savoir un petit peu comment filmer, comment cadrer, comment faire les montages, comment voilà tout ça, parce que ça mine de rien ça s'apprend quand même, et puis voilà, il faut réussir à bien tout caler, quoi. Ça prend pas 5 minutes, on a filmé, ça y est, un clip est sorti, hein. Il y a des très longues soirées de travail, d'apprentissage, de découpage, de plein de choses. Et pour parler que du clip, là, pour l'instant, avant de parler après de la musique en elle-même et des chansons, le clip m'a ouvert un vidéaste qui travaille pour une émission qui s'appelle Graffiti Cinéma. D'accord. On en reparlera tout à l'heure de cette émission. Et donc, ce vidéaste viendra me faire le prochain clip. Donc qui normalement sortira avant la fin de l'année, en même temps que l'EP, pour faire la promo de tout ça, quoi. Donc voilà pour le... Ça sonne jamais, hein, d'habitude. Il y a la sonnerie en même temps. Excuse-moi, je sais pas pourquoi. Donc, écoute. Donc voilà, donc du coup ça avait pas mal plu, et puis voilà, donc une première proposition pour pouvoir me filmer pour le prochain clip. D'accord, très bien. Donc ça, c'est pour le clip. Et pour l'enregistrement en studio. Oui. Alors, pour l'enregistrement en studio, j'ai une personne qui s'appelle Greg. Donc je peux dire son nom aussi, je pense. Tu peux. Il s'appelle Greg De Wild. Et c'est une personne que j'ai connue il y a une dizaine d'années sur Orléans, puisqu'il était dans l'événementiel. Il faisait pas mal d'animations, de concerts, de karaoké, voilà, de choses comme ça. Et puis, il est parti dans le sud, je ne sais plus combien de temps exactement, mais j'irai il y a 7-8 ans. Et donc, on s'est retrouvés vraiment par hasard, un petit peu avant toute cette période-là, sur Internet. Et puis, donc, on a rediscuté un petit peu, etc. Et puis, il est devenu ce que je pourrais appeler mon agent dans le sud en ce moment. Puis, je le remercie encore. On remercie Greg pour tout le travail qu'il fournit. Hein. Voilà, puisque donc c'est lui qui m'a financé tout ce qui est logiciel de son. D'accord. Pour enregistrer, pour masteriser. Qui est devenu ton producteur, alors, finalement. Ouais, voilà. Et après, donc, il m'a... Alors, moi, j'ai aussi investi de mon côté dans tout ce qui est matériel, hein, bien sûr, matériel de musique. Donc, la sonorisation avec toutes les lumières, etc., pour pouvoir me déplacer à droite, à gauche. Et puis, après, ce qui est micro pour enregistrer, les filtres anti-pop, tout ça, un petit peu tout ce qui existe... Voilà, pour se lancer. Ce qu'on va faire, tu sais, on va t'écouter parce qu'on aimerait rapidement t'entendre depuis le temps qu'on attend, les minutes passent. Et moi, j'ai vraiment envie, je pense qu'il y en a d'autres aussi, on a vraiment envie de t'entendre. Tu vas nous jouer à la guitare tout de suite un titre qui s'appelle comment ? Eh bien, j'en ai aucune idée. Donc, c'est la surprise. N'hésitez pas à continuer de téléphoner pour que ça ressonne dans 3 minutes non, si non. vous votez. Non, je veux pas que ça ressonne. Pourquoi pas chanter la chanson sur le Covid, par exemple. La chanson sur tu le peux, Covid. Tu peux, tu peux. Donc, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Covid-19. Covid-19, tout simplement. On t'écoute. La Chine s'est faite toucher, mais on n'a pas réalisé. Maintenant tous soudés, on a dû être confinés. Attestation de sortie, le quotidien d'une nouvelle vie. Mais quand ça sera fini, n'en sortira que plus unis. Merci à nos soignants, mais aussi à tous les... gens qui, malgré le confinement, restent forts et très patients. À Saint-Hilaire, on veut vous dire que c'est ensemble qu'on affrontera le pire. Covid-19, tout éliminera. Car ensemble, restons à la maison. Restez à la maison. Devoir, repas et confusion. Mais ne nous relâchons pas. Et au contraire, profitons. La terre nous donne un message. Que la pollution fait des ravages. Et la terre nous donne aussi. C'est à plusieurs qu'on réussit. Merci à nos soignants, mais aussi à Web Passion, qui malgré le confinement reste fort et très patient. À Saint-Hilaire, on veut vous dire que c'est ensemble qu'on affrontera le pire. Covid-19, nous éliminerons, car ensemble restons à la maison. Covid-19, nous éliminerons, car ensemble restons à la maison. Bravo Alexa. Donc on rappelle Alex LB. Bonsoir, rebonsoir. Vous êtes avec Alex LB dans les coulisses de Bérénice. On vient d'écouter donc Alex avec son nouveau single qui est sorti le 4 septembre, La vie, tu viens de nous jouer. Covid-19, et que tu as sorti pendant le confinement, pardon, excuse-moi. Et tu as sorti donc un clip le 4 septembre qui s'appelle La vie, que voilà, tu nous joueras peut-être tout à l'heure. Oui. D'accord, très bien. Sans souci. Donc, on était en train de discuter précédemment tout ton cursus, comment tu en es arrivé à la musique, tes influences. Alors, tu nous as peut-être pas parlé complètement de tes influences. Qui t'influence? Quel artiste aujourd'hui t'as envie de ressembler un petit peu à qui, en fait? Tu vois, à quel... Alors, je vais inverser les rôles. Et puis, je vais te poser une question. Ah, ça y est, tu vas me demander à qui tu te fais penser. Exactement. Ah non, c'est pas possible. Moi aussi, on a un petit peu déjà discuté. Bon, je trouve qu'il y avait des influences d'Indochine. Oui, c'est ça. Alors, les gens peuvent le voir sur Facebook, sur un peu tous les réseaux. Et c'est vrai que souvent, c'est le commentaire qui revient des touches d'Indochine, que ce soit sur la musicalité ou sur la voix. Alors, c'est pas fait exprès du tout. Après, c'est un groupe vraiment que j'affectionne depuis tout petit. Donc, je prends avec grand plaisir. C'est une belle référence. Ces paroles. Et d'ailleurs, je remercie Nicolas et tous les autres du groupe d'Indochine aussi, puisqu'il y a quelques jours, ils ont partagé un des covers que j'ai fait d'Indochine sur YouTube. C'était Trois Nuits par Semaine. Trois Nuits par Semaine, d'accord. Donc, je crois qu'ils ont un groupe, hein. Ils n'ont pas quelque chose comme un groupe sur YouTube. C'est ça. Parce que j'avais été voir. Exactement. Et toi, tu as été sélectionnée pour être une des covers et... Donc c'est chouette ça. Donc fait une belle, oui. Bah pareil, un super plaisir et voilà, au-delà de la publicité ou quoi que ce soit, juste tout simplement la fierté de pouvoir être écouté, puisque pour expliquer un peu le cheminement de ça, tous les jours pendant le confinement, ils ont reçu des centaines et des centaines de reprises, etc. Il y avait une présélection qui était faite par leur équipe. Et puis, eux écoutaient une dizaine de chansons et faisaient la sélection de deux ou trois titres par semaine. Donc, du coup, vraiment très honoré d'avoir pu être écouté, par le groupe Indochine, plus que d'être diffusé au final. Donc, voilà. Donc, cette chanson, tu l'as construite pendant le Covid. Qu'est-ce que tu veux en faire aujourd'hui de cette chanson? Tu t'en sers pour une stratégie pour développer ton projet? Est-ce que tu as vraiment envie de continuer à être engagé sur tes textes et à sortir de temps en temps ce genre de titre? Ou alors c'était juste l'inspiration et le mouvement qui faisait que, voilà, c'est pas... Le Covid est sorti, le Covid-19 est sorti, ou est-ce que tu as vraiment envie de faire des textes engagés aussi? Moi, c'est ma question là. Alors, cette chanson, elle est vraiment uniquement faite, elle a été uniquement faite pour le Covid. S'il doit y en avoir une autre, il y en aura une autre par rapport à... C'était l'actualité qui t'a inspiré, mais en aucun cas tu veux te ranger dans ce registre-là. Non. Là, tu veux tes propres compos. Exactement. Avec tes inspirations, comme tu disais tout à l'heure, tes propres inspirations. Donc, tu chantes tout le temps en français ? En français et en anglais. Tu fais les deux ? Oui. D'accord. Donc là, aujourd'hui, tu as combien de titres en composition que t'as créé ? En fait, tu en as combien là ? J'ai 19 titres, enfin 20 titres. D'accord. Plus celle du Covid, 21. Mais juste pour finir et rebondir sur le Covid, cette chanson-là ne sera nulle part. Donc, pour ceux qui veulent l'écouter, vous l'écoutez sur les réseaux sociaux. Mais elle ne sera ni sur un EP, ni quoi que ce soit. C'était vraiment un message de reconnaissance, d'amitié aux gens. Donc, je ne veux pas qu'elle soit commerciale. Et voilà, c'était clin d'œil à mon niveau. Ce qui est intéressant, c'est que ça t'a permis d'être dans la lumière un petit peu plus rapidement. Oui, c'est ça, oui. Et tu as rebondi, tu en as profité pour te dire... En plus, j'écris et je vais faire un maximum de promos. Donc, tu as eu un circuit et un process de promo qui est assez important. Tu as fait combien de radios à peu près depuis le Covid et maintenant ? Des radios où tu as eu des articles de presse ? Tu as à peu près calculé ? Alors là, pour l'instant, j'ai fait une dizaine de radios, soit en physique comme ici en studio. D'ailleurs, je remercie encore... En live. Voilà, les coulisses de Bérénice et puis Radio Web Passion d'avoir invité en studio et en live. C'est vraiment plus sympa que de faire des interviews par téléphone. Avec plaisir, Alexis. Il y a un côté relationnel qui est super agréable. Donc voilà, une dizaine de radios. Mais sachant que je suis diffusé sur un peu plus de 200 radios actuellement sur mon titre La Vie. Donc tu es dans des playlists hein ? Dans les playlists et puis toutes mes chansons de façon sont bien entendues vu que je vais en faire mon métier après. Hein. Toutes les chansons sont bien entendues déclarées à la SACEM, etc. pour les droits d'auteur. Donc tout. Donc voilà, donc pas mal de radio FM aussi, où après du coup ils me reverseront, ils me signeront les attestations pour les droits d'auteur, etc. Donc ça c'est aussi intéressant, mine de rien. Et puis ça permet en fait, au fur et à mesure des radios, enfin plus c'est l'effet boule de neige, hein, plus il y a de monde qui s'intéresse, plus ça intéresse d'autres personnes, etc. jusqu'à des personnes de plus en plus grandes, quoi. Alors toi, ta stratégie, ta façon de voir, ta stratégie de développement de ton projet musical, il se passe un petit peu différemment de ce qu'on pourrait croire en fait. Quand quelqu'un veut rentrer dans la musique, on cherche des partenaires, des professionnels pour s'entourer et on veut avancer rapidement. Toi, dans ton cheminement, et c'est peut-être parce que aussi t'es quelqu'un qui est aussi mature, t'as une trentaine d'années, j'ai le droit de le dire, c'est trop tard. t'as travaillé, tu travailles aujourd'hui, tu as envie de te reconvertir, tu veux le faire progressivement. Mais tu as eu quand même un certain nombre de contacts de professionnels qui t'ont approché. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Oui, alors j'ai eu... Alors tout d'abord, je vais parler de lui parce que c'est le coup de cœur de ces mots, de tout ça. Une personne qui s'appelle Gérard Beau, que je remercie donc lui aussi. C'est lui qui me fait passer sur bon nombre de radios, qu'elles soient locales ou d'autres belles radios, des indés radios, notamment de TF1. Et donc Gérard Beau, c'est un animateur radio d'une émission qui s'appelle C'est bon, c'est beau, mais qui est aussi que vous pouvez retrouver avec Marie-Ange Nardi sur TF1, sur le télé-shopping, pas mal d'autres émissions. Et donc un contact qui est venu, voilà, le destin, je ne sais pas. Mais comment, monsieur? Et on s'est trouvé sur Facebook. Moi, dans le cadre de ma promo, j'ai essayé de contacter un petit peu toutes les personnes qui travaillent dans les radios, les animateurs radio et tout ça. Et puis donc on a très vite accroché et je lui ai fait écouter mon titre et il a vraiment vraiment accroché parce qu'il m'en a mis les larmes aux yeux quand il en a parlé sur la radio dans le bassin d'Arcachon dans le sud-ouest. J'ai vu. C'était vraiment très très beau ce qu'il a dit et c'est une personne intègre qui n'a rien à gagner derrière, qui ne demande rien en compensation, etc. et qui vit l'instant et l'émotion présente. Donc un grand merci à Gérard Beau. Qui peut-être, plus tard, avec qui on aura d'autres projets encore plus sympathiques, mais ça j'en parlerai d'ici quelques mois. Ah d'accord, donc plein, c'est le début de ton aventure. Voilà, seulement. Ça c'est à suivre. La deuxième personne que je remercie aussi, et puis j'en profite pour parler un petit peu de ça, si vous me le permettez, c'est Pierre-Étienne Michelin. Donc Pierre-Étienne Michelin, c'est le batteur de l'actuel batteur de Michael Jones, qui sera d'ailleurs à Malesherbes le 25 octobre. D'accord. Et qui fait une petite tournée un petit peu partout. Il a été aussi batteur de Chaim, Jennifer, Trust, enfin voilà, pas mal d'artistes ont retrouvé sa biographie un peu partout sur Internet. Donc il a fait des très très grandes scènes et des zéniths, tournées nationales, internationales, et j'en passe. Et puis donc, grâce à mon Greg des Wild que je parlais tout à l'heure, qui m'a fait découvrir une association de ce batteur, on a été en relation l'un et l'autre. Et puis, j'ai annoncé il y a quelque temps qu'il enregistrerait les lignes de batterie des prochaines chansons. Donc c'est une collaboration qui est venue d'elle-même et humainement. Donc c'est vraiment super et je le remercie pour ça. Et du coup, j'en fais un petit coup de pub sur son association, qui est une très jolie association, puisque c'est le collectif Music Charity, que vous pouvez retrouver un peu partout sur tous les réseaux. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'il fait des clips avec entre 80 et 100 artistes du monde entier. Donc, c'est pas limité à la France, c'est du monde entier. Cette semaine, il va lancer le 8e clip. Donc, toutes les personnes qui écoutent et qui ont envie de partager, qu'elles soient amateurs, professionnelles, tout le monde peut avoir accès à ça et participer. Et donc, lui vous propose quelques notes. Et avec ces quelques notes et un thème, à vous de créer une petite chanson. Et puis, il coupe tous ces morceaux-là, il en fait un clip. Et on voit un peu les têtes de tout le monde, des 80 personnes. Et donc, le clip est diffusé sur tous les réseaux, etc. Et l'intégralité des recettes est reversée à l'association pour laquelle il a décidé de... Tu vas nous parler de ton road trip. Oui. Alors, dis-nous exactement ce que tu as l'intention de faire donc l'année prochaine, au mois de janvier. Oui, c'est ça. Tu vas parler d'un road trip, d'un certain nombre de dates que toi, tu te projettes. Oui. Sur le coup, je me suis dit, mais alors, le road trip, et ça veut dire qu'il a un tourneur, ça veut dire, je me suis imaginé que tu avais un certain nombre de personnes autour de toi pour t'accompagner, qui constituaient ton équipe, et tu me dis, mais non, j'ai pas de tourneur. Alors, explique-moi, quel est ton projet là, par rapport à ça? Vas-y, dis-moi. Donc en fait mon projet là et je pense que c'est ce qui actuellement fait ma force et c'est peut-être pour ça qu'il y a pas mal ou de médias ou de personnalités ou de personnes qui me suivent et qui m'encouragent, c'est que je reste moi-même. Donc quand je fais des choses, je les fais avec mon cœur, avec ma façon de faire. Et donc là l'idée du road trip, c'était d'aller au plus près des gens et en fait de leur proposer de jouer dans la rue et de vendre mon EP directement dans la rue. Donc bien sûr avec les accords des mairies, etc. à chaque fois. Sous la coupe d'une radio nationale, parce que c'est une radio qui a 63 radios sur le territoire. Donc voilà, qui va me suivre sur tout ça. Et donc tous les 15 jours, le week-end, je partirai sur une ville. Donc je vais balayer les grandes villes de France et de Belgique aussi, parce que je finirai sur Liège. Avec une autre grande radio sur Liège, en passant par la Suisse, avec une belle radio suisse, une radio nationale suisse. Et donc je jouerai dans la rue, tout simplement, comme vous pouvez trouver des personnes qui jouent dans la rue, que ce soit dans le métro. Et donc, tu as prévu 63 dates, c'est ça? Alors, pas 63 dates. Non, en fait, mon retrait va commencer en janvier et se finira l'été, un an et demi après. Et je jouerai à raison d'un week-end sur deux. D'accord. Voilà. Et donc, à la fin de ce road trip, il y aura un gros concert pour la fête de la cerise à Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Mm-hmm. Et donc, l'idée, en fait, c'est que sur chaque CD qui sera vendu, il y aura 3 euros qui seront reversés via une association pour l'école de... qui est l'école de mon petit garçon aussi, à qui je fais un bisou, mon petit Baptiste, qui me suit partout. Il a 6 ans, il va avoir 7 ans, il est en CE1 cette année. Oui, parce qu'on le voit quand même sur ton clip. Voilà, on le voit sur mon clip. Exactement. C'est le personnage principal. Hein. Oui, oui. Et donc, du coup, ces 3 euros par CD seront reversés pour apporter de la musique, que ce soit à l'école ou en périscolaire, peu importe l'âge, hein, parce que ça commencera au tout petit jusqu'à la fin du CM2, donc la fin de l'école primaire, via des kits de percussion, de l'éveil musical vraiment pour les plus petits. Enfin, voilà, tout ce qu'on pourra, il existe pas mal, il y a tout un panel de choses à acheter sur ça. Donc, Ton fils joue quelque chose, un instrument ? Non, il ne joue de rien du tout. Il n'ose pas chanter. Quand on chante à la maison, il ne veut pas trop. Donc, ça viendra plus tard, je pense. Il est plutôt timide. Il est très timide. Il chante tout seul dans sa chambre. Je l'ai surpris 2-3 fois. Mais dès qu'il me voit, silence radio et puis plus rien. Est-ce que tu veux nous jouer ton deuxième titre ? Oui, pas de souci. Je t'écoute. Est-ce que tu veux nous jouer... C'est du coup, moi, je vais vous jouer La Vie qui est sortie le 4... La Vie où tu peux nous jouer autre chose, hein ? Non, bah La Vie... C'était celui-ci ? Eh ben La Vie, c'est bien. On t'écoute. Je repasse en guitare ou pas ? Un rêve, jamais je n'ai osé, de peur qu'on me relève après m'être effondré. Mais et sûr. Bravo. Merci. Elle est hyper émouvante. Ouais, très sensible. C'est une belle chanson. Tu as écrit ça il y a combien de temps, du coup? Elle fait partie des douze, exactement. Et l'objet des douze, en fait, c'est de pouvoir raconter quelque chose où, peu importe l'univers, peu importe le vécu, tout le monde puisse en fait s'accrocher dessus. Donc là, la vie est dure, mais on en sort grandi. Ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être une expérience professionnelle, amoureuse, amicale. Ça peut être sur tellement de choses. D'accord. Donc du coup, on peut se raccrocher. On voilà, peut tout ça. L'interpréter. Exactement. Et elles sont toutes comme ça, en fait. Oui, t'en as combien en français et combien en anglais sur ton prochain EP, tu m'as dit. Donc, oui. On a le droit de le dire. Oui, oui. Il y a un EP à la fin de l'année. Tu m'as C'est ça, qui sort le 19 décembre. Le 19 décembre. Et donc, tu m'as dit qu'il y en avait 6 titres. Voilà, l'EP fera 6 titres. Voilà. En fait, j'ai 3 EP qui vont sortir, on peut même le dire, puisque ce sera, ce sera 3 histoires, en fait, à chaque EP qui sortira. Il y aura la suite, en fait, de ce que je raconte et de l'histoire que je raconte. Donc, du coup, ça fera 3 fois 6, 18 chansons. Et les 2 chansons qui me restent seront en bonus dans... Un possible album si l'aventure continue et si les gens continuent à me soutenir comme ils le font depuis le début. Je pense que ça va continuer. Donc là, tu as ton road trip, donc ça va être vraiment tes premières expériences de live, à part chez nous, mais tu as eu combien de live à peu près? Tu as joué combien de fois en public finalement? Alors en public, avec tout ce qui est Covid, etc., c'était compliqué, donc j'ai joué réellement 4 ou 5 concerts. C'est déjà ça, oui. Mais il y a une dizaine d'années, j'avais un groupe et t'as déjà l'expérience de la scène. Et voilà, mais l'expérience seule est une première pour moi. D'accord. Voilà. Et quelles difficultés tu trouves qu'il y a par rapport à un projet en groupe ou un projet solo? Pour toi, c'est difficile ou pas, hein? Disons qu'un projet solo, là, les gens vont déjà venir pour me voir moi uniquement, me juger moi uniquement et pas l'ensemble du groupe. Mm-hmm. Et puis, tout simplement, quand on se retourne, que ce soit pour tout, hein, on aime bien avoir quelqu'un derrière en support, pour se dire je ne suis pas tout seul et on m'aide, on m'aide et on me donne la force. Et là, du coup, tout seul... Il n'y a personne pour rattraper, donc c'est un peu du sans filet, quoi. Et tu m'avais expliqué, c'était un petit peu un challenge aussi, parce que t'as une forme de timidité. Oui, toi, je peux paraître comme ça, alors je parle beaucoup, etc. Mais, tu parles beaucoup, mais en fait, t'es assez timide. Voilà, c'est un vrai timide, exercice. Et pour toi, tu l'as pris comme un challenge. Donc c'est aussi un parcours de personnel. Exactement. Donc au-delà de la reconversion, tu as aussi un travail sur ta personnalité que tu es en train de faire là. Oui, c'est ça, exactement. Donc je trouve ça très intéressant. Tu te projettes dans combien dans 5 ans, tu te projettes sur quoi? Ou c'est souvent les questions que je pose, dans 5 ans, tu te vois où? Alors les divers journaux ou médias locaux ou voilà, ou télé un peu partout m'ont posé cette même question. Oui. Ah, je suis pas la seule, ils m'ont copié. Donc voilà, donc je n'ai absolument aucune prétention et je dirais rien là-dessus parce que voilà, plus je peux monter, plus je monterai, mais je garderai quand même toujours une vie de famille, donc je ne partirai pas à Las Vegas pendant 15 ans, hein, plus voir mon fils et plus profiter des moments, ce qui est le plus important pour moi. Mais par contre, ce que j'avais expliqué aux journaux, etc., c'est que petit, et mes parents m'en ont reparlé là il y a quelques semaines. Petit, j'avais dit à mes parents quand j'ai fait mes premiers concours, j'ai gagné mes premiers concours de chant, et je leur avais dit papa, maman, un jour je serai au Zénith. Donc pourquoi pas? Alors après, ça peut être juste une première partie, ça peut être sur un concours, ça peut être voilà. Donc, j'ai pas précisé être la plus grande vedette, et j'ai pas cette prétention là, mais voilà, pourquoi pas. Et comment est-ce que ton entourage te soutient? Est-ce que c'est pas trop dur aux yeux de... tu vois, tu disais que tu avais un enfant. Est-ce que faut quand même avoir un travail alimentaire quand on... Voilà, on a tous notre vie notre vie, on a nos charges. Voilà, comment tu vois les choses, la transition? Est-ce que tu la vois petit à petit ou tu te dis, ben, je vais arrêter net mon travail de salarié et puis ben, je vais vivre de mes cachets d'intermittent. Je vais essayer d'être intermittent. Ou alors, tu as une autre stratégie personnelle que tu t'es mis en place pour pouvoir vivre de ta passion par la suite? Oui, donc alors c'est j'ai une très grande chance dans mon travail, c'est que déjà je ne travaille pas les week-ends, donc ça me permet de pouvoir lancer le road trip. Et puis je bénéficie, et ça c'est pas toutes les entreprises, je bénéficie d'un an de reconversion, d'un an de congé reconversion pour pouvoir créer une entreprise. Donc en parallèle, je vais créer une entreprise sur l'événementiel, voilà, en location de sono, de pas mal de choses. Pour les gens, ou pourquoi pas même en studio s'ils veulent enregistrer. Mmh. Et le temps qui sera dégagé en plus me permettra de vraiment pouvoir continuer à enregistrer, créer, chanter, etc. D'accord. Et donc d'en vivre sous forme de l'intermittence, ou c'est pas du tout le... Oui, c'est le but, le c'est modèle... Si, c'est, si, le, si, c'est ce modèle économique, oui. que tu veux avoir. D'accord, très bien. Donc pas évident, mais c'est super courageux de pouvoir se reconvertir à une trentaine d'années, comme quoi tout est possible. Si tout à l'heure tu avais parlé des jeunes, tu as dit, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, ça serait, voilà, si on a l'envie, on peut tout faire. Est-ce que tu veux leur conseiller autre chose, ou il n'y a que ça à conseiller à des jeunes qui veulent rejoindre ton projet? Je veux vivre de ma passion, j'ai envie de tout lâcher. Quel conseil tu donnes? Alors, il y a toujours plein de conseils à donner aux jeunes. Jeunes ou moins jeunes, hein, voilà. D'ailleurs. Hein, parce que là, ouais, on va parler moins jeunes, mais pour les jeunes, quand je dis quand on veut, on peut, n'allez pas lâcher vos études non plus pour vous lancer surtout. Si jamais ça ne fonctionne pas, au bout de 2 ans, vous allez vous retrouver sans aucun bagage, sans rien, et la vie, là, pour le coup, est dure. Et c'est même plus que vous en sortirez grandi, c'est que vous allez ramer pour pouvoir retrouver un petit boulot. Donc d'abord, construisez vos bagages et vos études, et ensuite... ou en parallèle, essayez de vivre de vos passions, mais n'allez pas tout gâcher en disant mais tout est possible, on y va. Mais par contre, avec une envie et voilà, il faut se donner les moyens en temps. Est-ce que ta famille te soutient, parce que c'est pas évident pour eux finalement? Oui, enfin, ma famille. J'imagine que c'est pas évident quand même. Toute ma famille me soutient, mes amis, les collègues, un peu tout le monde. Sont vraiment tous incroyables là-dessus. Ma chère et tendre qui me supporte quand je joue un petit peu partout, qui me suit en général, donc elle n'a pas pu être là ce soir parce qu'elle est avec le petit bonhomme, et comme il y a école demain, donc du coup ils sont pas venus, mais le petit garçon vient aussi en studio, il est tout content de faire des photos sur les radios, etc. Donc il est fier de son papa. Donc voilà, tous les deux, c'est, le... c'est, voilà, mes, c'est mes premiers voilà, supporters, mm-hmm. et mes premiers fans. D'accord, très bien. On rappelle que tu sors un EP à la fin de l'année de 6 titres. C'est ça. En composition anglais et français. Oui. Que tu as un road trip qui démarre pour 1 an et demi à partir de janvier de l'année prochaine. Oui. Qui est en soutenu et dont ton partenaire est RCF. RCF. Et l'émission Graffiti Cinéma. Graffiti Cinéma. Donc tout ça, c'est des beaux projets. Sur quels réseaux sociaux on peut te trouver aujourd'hui? Alors on peut me trouver, celui où je mets le plus de choses et où je suis le plus actif, c'est Facebook. Donc on me trouve à Alex L-B, le tiré du 6, Alex L-B. On me trouve aussi après sur tous les autres réseaux qui existent, Instagram, Twitter, TikTok aussi, j'ai découvert TikTok, je me suis dit pourquoi pas, voilà, j'ai essayé de lancer un peu tout, donc toujours sous le même pseudo, Alex N-B. C'est toi qui gères tout ça? Oui. Oui aussi? Oui, je gère, pour l'instant, je réponds absolument à tout le monde. Je passe des soirées à répondre à chaque message d'encouragement, voilà, j'ai des gens qui me demandent même, alors d'ailleurs, avant de clôturer, c'est pourquoi je parle beaucoup. Hein. Mais du coup, je remercie ces quelques personnes, parce que pour l'instant, avec juste une chanson, j'ai presque une cinquantaine de personnes qui m'ont demandé si je pouvais leur envoyer, même pour plus cher que l'EP sera sorti, mais si je pouvais leur envoyer l'EP dédicacé, etc. Donc, t'es sur plateforme également? Oui. Sur plateforme, toutes les plateformes. Ouais, Spotify, voilà. Deezer, Apple Music. Apple, Spotify. Ah non, pardon, ça c'était une dédicace à Romaric, un ami. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh bien, que l'aventure continue, tout simplement. L'aventure continue, il n'y a pas de point négatif, y a pas, pour toi, tout est ouvert. Ton chemin se trace, tu avances, tu fais des belles rencontres. Oui. Ça va, tu... Est-ce que c'est... Ça peut être... comment dire est-ce que ça peut pas aller un peu trop vite pour toi par moment? Non, pour l'instant ça va. Pour l'instant, ça va. En cadence, on est très bien. En cadence, donc ça oui. va. Est-ce qu'il n'y a pas la tête qui tourne? Est-ce que cette aspiration, cette dynamique n'est pas trop forte? Parce qu'il y a des artistes qui ne supportent pas hein, ce genre de périple et puis d'aventure. Il y a des artistes, ça va déjà vite. Oui, non, mais pas du tout. Toi, oui, j'ai l'impression que. Pas du tout. Et puis, tu... comme j'ai dit depuis le début, je reste moi-même et, que et j'ai quelque même, chose. Enfin, je véhicule beaucoup, entre guillemets quelque chose de. Voilà, c'est ce que je veux véhiculer. Et donc, non, je. Ouais, ni la grosse tête, ni quoi que ce soit, je reste moi comme j'ai toujours été moi. Tu es toi-même, tu gardes la tête sur les épaules, tu es conscient des choses, et puis tu es quelqu'un de super sympa, parce qu'en préalable, on s'était déjà rencontrés pour faire connaissance et voir comment ça allait se passer, et te connaître un petit peu mieux pour te recevoir à la radio. Et puis j'ai trouvé, voilà, on a passé un moment devant un thé, c'était super sympa, tu m'as expliqué un petit peu qui tu étais, ton aventure, tu m'as fait écouter tes liens, et je suis très contente de t'avoir rencontré, parce que tu es quand même de chez nous, on est fiers, c'est une belle aventure, on te souhaite plein de bonnes choses. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour l'émission? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais aborder, qu'on n'a pas abordées? Je pense qu'on a fait pas mal le tour d'un petit peu tout. Donc, est-ce que tu veux nous finir? Tu veux refaire un dernier titre ou? Eh ben, si vous voulez, avant de se quitter, oui, on peut faire le. Je peux vous faire le prochain titre Allez, qui sortira. D'accord. Et puis ensuite, je saluerai tout le monde. Donc je t'écoute. On t'écoute. Mais en tout cas, juste avant, je remercie encore de l'accueil, de la gentillesse, d'avoir pris du temps. Voilà, comme on disait tout à l'heure, autour d'un thé pour discuter. Et voilà, c'est toujours valorisant d'avoir quelqu'un qui s'intéresse. On a l'impression d'exister. Et donc, moi qui suis plutôt de l'autre côté d'habitude, à écouter les gens et ce qui leur arrive, c'est très très plaisant. Avec plaisir, tu reviens quand tu veux ici. Hein. T'es chez toi. Merci beaucoup. C'est quel titre tu nous as dit? Donc le titre s'appelle « Je te le dois ». Je te le dois, on t'écoute, Alex. Pas de haine, ce qui me ramène, m'entraîne. Pas de songe, pas de ronge, désir allonge et plonge. Toi, oui, toi, qui as su prendre de moi, oui, moi, pour faire de nous un nous et ce. Je te le dois. Pas de faute, pas de côte, ce qui m'attire est pire. Pas de test, pas de reste, amour inceste, amour déteste. Toi, oui, toi, qui as su prendre de moi, oui, moi, pour faire de nous un nous et ce, je te le dois. Pas de vrai, pas de créer, ce qui était ne peut s'effacer. Pas de mépris, pas de déni, puis accompli, journée sans bruit. Toi, oui, toi, qui as su prendre de moi, oui, moi, pour faire nous un nous, mais ce. Toi, oui, toi, qui as su prendre de moi, oui, moi, pour faire de nous un nous et ce, je te le dois. Bravo, Alex. Alors Alex, tu étais venu, tu as été invité aujourd'hui dans les coulisses. Donc on a passé une heure, un petit peu plus d'une heure. Oui. Voilà. En tout cas, on te remercie d'être venu. Mais c'est moi qui remercie Radio Web Passion, ouais. Et puis les coulisses de Bérénice, ouais. Et son accueil particulièrement chaleureux et humain. C'est vraiment super. Bah, c'est très gentil, c'est très gentil, merci. Bon, ça fait toujours plaisir. Et c'est sincère surtout. Donc je rappelle que tu as sorti donc, un clip La Vie le 4 septembre, qu'un projet EP de 6 titres. À Noël, le 19 décembre, est prévu. Exactement. Que tu as prévu également un road trip au mois de janvier pendant un an et demi. Oui. Donc, tous les 15 jours, donc partout en France. Voilà, c'est ça. Avec ton partenaire RCF. Oui. Et puis, on va te souhaiter plein de bonnes choses. Mais merci beaucoup. Une longue, un début de carrière et une très longue et belle carrière. Voilà, merci. Donc surtout, donne-nous de tes nouvelles, pardon. Sans aucun souci. Et puis, on donnera des nôtres aussi. Et de mon côté, moi, je vous retrouve le lundi 21, donc la semaine prochaine, pour une spéciale Jeep. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je te souhaite un bon retour également de ton côté. Merci beaucoup. Bonne soirée et aussi. Et puis, on va se quitter. Merci. On va se quitter avec le dernier titre de La Femme Paradigme, qui est sorti le 10 septembre dernier. Et je vous souhaite un bon retour ou une bonne soirée à tous. Au revoir.